sonné, t'as ouvert tes volets. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu étais fourmi, deviens cigale. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Sans amour, les départs sans retour, pour tous les silences qui nous tournent autour. J'ai la bonne solution, simplement remplaçons notre envie de rien par une chanson. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gémozo 107FM, merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez également sur le web www.radioguemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Bonjour le Québec, alors coucou Lynn et Huma, bonjour le Maroc, bonjour la Suisse, bonjour l'Italie. Bonjour Marc, tiens je te retrouve cette semaine. Eh oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. On... T'es le plus chanceux, des animateurs. Gâté aussi. Alors vous êtes avec Gilou dans les années bonheur, je vous accompagne avec la plus belle musique jusqu'à 17h30 en direct. Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone Jean-Pierre Savadi, dit Peter, souvenez-vous. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve, tout ce que j'aime, besoin de rien. Avant de rejoindre mon invité, je vous rappelle que l'émission est enregistrée et sera mise en podcast sur notre site, puis en rediffusion dimanche 30 septembre à partir de 18h sur la bande FM. Alors je voulais vous rappeler aussi notre journée porte ouverte qui aura lieu le samedi 6 octobre. Donc ben, venez nombreux dans nos studios, voilà, voir un petit peu comment se déroule une émission de radio. Alors, on va quand même préciser l'adresse, l'adresse de l'hôtel de ville à Saint-Étienne-Mermiremont. Très bien. Pour tout renseignement, 03 29 62 40 40. Voilà. Donc, un petit coucou au fan club des années bonheur. Alors, je voulais faire un petit bonjour tout rapide à mon avis, David Vince, à mon ami David Vincent, pardon, de DVM Productions Europe Canada. De gros bisous à mes amis artistes Anaïs et Fabien, d'ailleurs, qui seront présents pour cette journée donc porte ouverte. Donc, je sais qu'ils sont à l'écoute et je leur fais de gros bisous. À tous, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio et sur la page officielle Gilles Mougel. Je transmettrai en direct à l'antenne à Jean-Pierre que je retrouve maintenant. Bonjour Jean-Pierre. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ah ben oui, en pleine forme. En pleine forme, d'accord. Mmh. Voilà, alors quel temps Jean-Pierre as-tu chez toi? Par là-bas. Oh là. Je vous le dis. Ah oui, ça va peut-être nous. Ah oui, alors. Soleil Ouais, 26 degrés. Ah oui. Soleil, pas de vent. Voilà, on vient de terminer un de nos ateliers comédie musicale pour enfants et adultes que nous avons dans le Var. Oui. Avec ma femme Sambrie, puisqu'on a ouvert dans quatre villes du Var là, des ateliers comédie musicale. Donc voilà, au milieu de nos concerts, de ces cours de danse, Zumba et compagnie, on s'amuse bien quoi. D'accord, ok. Ben, nous ici, bon, dans les Vosges. Oui. Puisque nous sommes dans les Vosges, enfin dans le Grand Est, hein, on dit maintenant. Hein? Donc nous avons des belles journées, ensoleillées aussi, mais bon, c'est un tout petit peu plus frisqué quand même. Surtout le soir. Hein, surtout le soir, oui, c'est vrai, tout à fait. Le soir, les Vosges, c'est ça. C'est un magnifique endroit aussi pour aller faire du ski de fond et des randonnées. Voilà, tout à fait, c'est vrai, oui. Je sais. Tu connais un petit peu la région? Oh, je suis venu depuis simplement 45 ans que je chante. Je suis venu quelques fois, d'accord. Bien sûr. Ouais, pas de problème. Mais bon, c'est vrai que nous, dans les villes, des fois, on ne fait qu'y passer. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça, malheureusement. Des fois, on voudrait rester un petit peu dans certaines villes, mais bon, on ne fait que des kilomètres. Voilà. Alors, je voudrais te remercier, Jean-Pierre, d'être sur nos ondes. Ben non, mais ça me fait plaisir. Hein. Ça nous fait plaisir. Oui, on a de la promo, on parle, voilà, une multitude de petites, moyennes et grandes radios. Donc, voilà, oui, tout problème. À fait, oui. Ouais. Et donc, ben, je voulais te faire un petit coucou de mon ami agente artistique Lynn Massé qui t'a contacté dans un premier temps. Hein, donc voilà, qui nous a mis en relation pour cette émission. Donc voilà, je... Très sympa, elle. Oui. Allez, petit bonjour, voilà, de son beau pays. Donc Jean-Pierre, alors tu es toujours dans ta région, puisque tu es né à Toulon, hein, dans le Var. Je suis revenu, d'accord. Depuis 8 mois, j'ai vécu pendant plus de 45 ans sur Paris, parce que quand je suis parti de Toulon pour faire ce métier, je pensais qu'il n'y avait que cette ville-là, et donc j'y suis resté très longtemps pour faire toute ma carrière, et je continue ma carrière, mais un peu différemment maintenant, et je suis revenu dans le sud m'installer. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bien, hein, c'est une belle région. Hein. oui, le Var est une très belle région. Alors, je voulais dire, Jean-Pierre, en 84, on découvre le duo Peter et Sloan, d'accord, avec ce grand titre, donc on en reparlera tout à l'heure, mais je veux dire, beaucoup de gens ont découvert Peter, peut-être, dans ces années 84, titre est sorti en 84, mais peut-être sans savoir la carrière que tu avais déjà derrière toi, on va dire. Hein. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire, on parlera bien sûr de cette chanson-là, hein, de ce duo, mais on va quand même... parler de ce que tu as fait, bien sûr, au début de cette carrière, hein, bien sûr. Ah ben, elle a démarré très tôt, dès l'âge de 20 ans, après mon service militaire, j'ai quitté Toulon pour essayer de faire quelque chose en tant que professionnel sur Paris, et c'est vrai que le duo, il est arrivé qu'en 84, mais duos, j'en ai fait beaucoup avant aussi. D'accord. Ouais. Ok. Alors la musique, c'était tout de suite pour toi une évidence étant jeune, Jean-Pierre. Oui, une passion. Mon père, chanteur dans les années 40, concurrent de Tino Rossi, la guitare à la maison, les 78 tours de mon père qui tournent à la maison, puis les photos, des galas de mon père, et tout de suite, dès l'âge de 10, 11, 12 ans, je commence à faire des concours de chant dans le sud, et puis ensuite je suis repéré pour être chanteur d'orchestre, et comme l'école, je m'y sens pas trop bien, je quitte l'école en troisième, et puis je m'inscris dans une école de... Enfin, mes parents m'inscrivent dans une école de coiffure pour dames. Et je suis coiffeur la semaine et chanteur le week-end, déjà. Dès l'âge de 17 à 18 ans. C'est pas trop mal, finalement, pour démarrer. C'est ce qui me plaisait. Donc, j'allais chanter le week-end et c'était très agréable. Bien sûr, oui. Mais je dirais même le métier de coiffeur pour dames, ça doit être agréable aussi. Oui. C'est très bien. C'est sûr. Alors, je veux dire, donc... tu as un premier contact avec Michel Legrand. Oui. Hein, c'est ça, donc, où il te fait signer un premier contrat. C'est ça. Hein, c'est ça. Je rencontre sa maman, Madame Legrand, qui fait écouter donc des chansons que j'ai. Je chante du Claude François, du Michel Fugain, Joe Dassin, et je chante déjà du Michel Legrand. Ce que la maman de Michel est surprise. Elle me dit mais vous chantez des chansons de mon fils. Je dis oui, parce que dans les orchestres dont je fais partie, il y a beaucoup d'excellents musiciens qui connaissent la musique de Michel Legrand, et moi j'ai appris des chansons, les Parapluies de Cherbourg, Demoiselles de Rochefort, et donc ils sont assez surpris, puis Michel écoute ma voix, et 6 mois après, sans galérer de trop à Paris, j'ai envoyé le premier contrat à ma famille. D'accord. Voilà. Ouais, c'était déjà un beau début, avec un beau contact, hein, quand même. Je peux pas dire que... Hein, c'est vrai que... j'ai mal démarré, ça. Oui, c'est sûr, un bon démarrage. Alors, Jean-Pierre, si tu veux, on va écouter, justement, une première chanson. Oui. D'accord. Donc, moi, j'ai choisi, puisqu'on voilà, on parle de ça, le medley Michel Legrand. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Alors, on s'écoute ça. Et puis, on, voilà, on se retrouve. Et puis, à tout à l'heure. À tout de suite. Pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. C'était l'été 42, on hésitait encore un peu entre l'amour et l'amitié. Et puis un jour, tout simplement, tu t'es offerte. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai un instant sans toi. Et je n'existe pas, oh mon amour, ne me quitte pas. Mon amour, je t'attendrai toute ma vie, reste près de moi. Reviens, je t'en supplie, où j'ai besoin de toi. Je veux vivre pour toi, oh mon amour, ne me quitte Voilà donc Jean-Pierre, hein, ce medley donc de Michel Legrand. Oui, avec une petite petit coucou à Francis Lay à la fin. Ah oui. Bien sûr, c'est un homme et une femme. Oui, c'est parce vrai. Que j'ai travaillé avec Francis Lay et Michel Legrand pour les chansons du film Les uns et les autres de Claude Lelouch, où je doublais Manuel Gélin, parce que j'ai souvent prêté ma voix au cinéma. Et oui, donc voilà, et là c'est vrai que c'est un plaisir de chanter ces très très belles chansons. Très belles chansons, bien sûr. Ouais, Michel Legrand, ouais. Ouais, tout à fait, oui. C'est que vrai, du bonheur. Ouais, c'est sûr. Voilà, alors la suite, donc Jean-Pierre, alors La Rose d'Or d'Antibes. Oui, hein, ça, c'est le festival de la chanson. De la chanson, qui n'existe plus maintenant. Oui, c'est vrai, ouais. Qui s'est déroulé au mois de juillet, chaque année, dans la pinède de Juan-les-Pins, au bord de la mer, et tous les soirs, avec un grand orchestre. Et c'est vrai qu'en 1972, quand je remporte ce Grand Prix, je pense pas déjà que je vais le gagner, parce qu'il y a beaucoup de bons chanteurs. Il y a Gérard Lenormand, il y a Georges Chelon, il y a Alain Souchon, il y a Michel Jonas. Franchement, Michel Jonas. C'est incroyable. Quoi. Puis bon, je gagne. Et puis il y a un agent qui vient me trouver, qui me dit, je suis l'agent de la tournée de Claude François, et j'aimerais que vous fassiez sa première partie. Bon, honnêtement, je pense que c'est un blagueur. Oui. Et finalement, non, c'est vrai, et je pars pendant plus de 2 mois faire des grands chapiteaux à travers la France avec Claude François. D'accord. Oui. Alors moi, Claude François, alors moi j'avais une petite question à Jean-Pierre. comment était Claude François sur les tournées? Bah, sur les tournées, tout toute façon, nous, on le voyait arriver pour ses concerts. Ouais. Et quand on avait la chance de pouvoir dîner avec lui, avec les Fléchettes, les choristes, avec des Claudettes, avec les Claudettes, tout ça, oui. Voilà, c'était de temps en temps. Voilà, moi, j'adorais ce côté pro déjà. Ouais, qu'il avait, ouais. On décrit toujours Claude François, c'est un tyran. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Très grand pro. Ouais. Et naturellement, il blessait des gens parce qu'il était très professionnel, il essayait de lui ne pas faire d'erreur, et il ne supportait pas, alors qu'on avait fait beaucoup de répètes, que les gens fassent des erreurs. Et donc bien il sûr. Était des fois très très dur, mais bon, les Français n'aiment pas trop ça. Ils oui. se supportent, chez beaucoup de chanteurs, je vais parler pour mon métier, hein, chanteurs étrangers en disant « Ah, c'est des pros, tu as vu, ils répètent beaucoup, ils font ci, ils font ça. » Et quand c'est des Français, ben, on dit qu'on est hautain, prétentieux, chiant. Voilà. Ouais, donc moi, franchement, Clo-Clo, moi, c'est la bonne école pour moi. Oui, c'est vrai, c'est sûr, je me doute bien, oui, je voulais avoir ton avis comme ça, parce que bon, j'ai eu l'occasion d'en parler avec d'autres artistes, et puis, non, c'est vrai qu'il était très pro, mais bon, ça, des fois même, on disait qu'il... Des fois qu'il débranchait la sono, ou des personnes qui passaient en première partie, ou ouais, t'as bon, pas eu de... Bon, ouais, enfin, c'est peut-être un petit peu la légende. Je peux pas le dire, parce que moi... T'y as pas eu droit. Non, j'y ai pas eu droit, j'ai non, pas bon. Eu droit, non, en plus, à ces éclairages. Alors, peut-être que j'étais dans le bon filon, dans le bon côté, ouais, et puis... qu'il m'aimait bien. Bien mais... sûr, voilà, ouais. Ouais, ouais, on l'a raconté beaucoup par rapport à Alain Chamfort, tous ces trucs. Oui, c'est ça, ouais, en fait. Chacun a ses anecdotes, en tout cas, les miennes, elles sont toutes positives. Non, mais c'est bien, c'est très bien, c'est vrai que... Et puis je pense que ça devait être bien pour démarrer une carrière. Ah ben oui. Ah, donc je dis, je sais pas. Ah ben c'est sûr, hein, je pense. Hein, là, ouais. C'est... Deux mois avec lui sur scène, après il y a eu Serge Lama. Serge Lama, ouais. D'autres chanteurs. Non, franchement, j'ai appris mon métier que je connaissais déjà, mais pas à ce niveau. Voilà, bien sûr, ouais. Ça c'était donc en 72, hein, c'est bien ça, oui. En 72, tout ça, ouais. Puis oui, puis c'est vrai que Claude était en pleine. Ah oui, en plein succès là, hein, en gros. Des grosses tournées, Chapiteau, c'est le premier qui faisait ça. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Chapiteau énorme, des fois dans des petites villes. Puis on a même fait le stade Mayol à Toulon, qui est un stade de rugby. Oui. Voilà, avec Jean-Pierre Foucault qui présentait le spectacle. Ah oui, oui, Jean-Pierre Foucault, oui, c'est oui, vrai. Mais alors que. D'accord. On nous dit maintenant, beaucoup de chanteurs font des stades, ben, Clo-Clo les faisait déjà avant. Les faisait déjà avant, oui, il était précurseur, c'est vrai, hein, dans beaucoup de choses. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est... Une question comme ça qui me vient, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu penses des artistes, enfin, je veux dire, de la jeune génération, on va dire. Oh, mais c'est vaste comme question. Oui, c'est un peu... La jeune génération, il y en a des bons et des moins bons d'entrée. Disons qu'il y en a certains qui n'ont pas fait grand-chose, qui sont déjà d'une prétention incroyable, ils sont déjà arrivés. Oui, parce qu'ils commencent dans des conditions fantastiques, que ce soit dans les grands festivals, que ce soit The Voice. Oui, The Voice, tout ça, on en parle Academy, souvent. Ouais, et puis le reste. Bien sûr. Mais puis il y en a certains qui resteront simples. Voilà. Nous, on nous dit toujours, les chanteurs des années 80, vous êtes sympas, vous êtes simples. Je pense que c'est notre entourage, notre famille qui nous recadre en premier quand on dépasse un peu les bornes. Mmh, bien sûr. Moi, je me suis toujours entouré de ma famille, de vrais amis que j'ai depuis des années. Je suis pas un garçon, malgré le succès de certains disques, oui. Qui ait fait des cavalcades, des aventures en discothèque à faire parler de lui, qui boit, qui fume. Mmh. C'est pas mon truc. Bien sûr. Suis dans ce métier pour chanter, ouais, pour ouais. composer. Je comprends. Ouais. Mais le reste, voilà, c'est pas trop mon truc. Mmh. Ah, puis les années 80, je veux dire, voilà, c'est quand même resté. Ben d'ailleurs, ça reste encore. Ça reste, oui, bien sûr. C'est incroyable. Et ouais. Ça reste encore. Puis justement, ben je voulais te dire, enfin bon, la tournée des années 80 passe à Remiremont, donc la ville où on est là, hein, donc le 27 octobre au Palais des Congrès. Oui, alors attention, c'est pas Star 80, ça. C'est une deuxième tournée. Ça c'est une deuxième tournée, d'accord. Okay. Oui, c'est-à-dire que c'est l'ex-producteur qui a vendu la tournée qui s'appelle maintenant Star 80, ouais. Qui a voulu être concurrent de nouveau, qui a appelé les mêmes chanteurs. Oui. Voilà, qui a appelé les mêmes chanteurs qui ont fait un peu ces tournées-là, un peu dans le désordre, ou certains qui n'ont jamais fait la tournée 80, et il a mis ça en concurrence, mais ça d'accord. n'a rien à voir oui, avec oui, bien Star sûr. 80. On voilà. en parlera tout à l'heure de toute façon dans, dans l'émission. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on bon, on s'y perd un petit peu, hein, les années 80, achetant en tête de bois, bon, ça c'est un petit peu plus. Voilà, ça c'est différent. C'est différent, hein, bien sûr, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. Ouais. Enfin voilà, bon, c'est vrai que. Donc il y a quelques artistes qui viendront là, donc peut-être que tu connais, hein, François Feldman, Ah oui, non, mais bien sûr. Qui sont peut-être des copains. On se connaît tous, hein. Là, on était d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, avec François, on était dans un spectacle pas très loin de chez vous, pour une soirée un peu étudiante. Voilà, donc moi je ne fais plus partie de la tournée parce que j'ai décidé d'arrêter. Oui, ouais, le duo, d'accord. Mais franchement, on se côtoie depuis plus de 40 ans. Bien sûr, voilà. Donc on se retrouve de temps en temps. Bah, c'est bien, non, mais je veux dire, c'est une belle équipe, une belle. Voilà, oui, puis, oui, bien sûr. Je dis toujours, toutes ces chansons des années 80, c'est intemporel, ça, c'est vrai qu'on danse dessus tout le temps, on est toujours. C'est dans les soirées, c'est incontournable. C'est incontournable, hein, c'est vrai. Oui. Alors, on fait un petit peu flashback. Donc en 1973, Jean-Pierre, tu fais partie de la comédie musicale La Révolution Française, pardon. Alors, ça s'appelait un opéra rock. Opéra rock, ouais. Ouais, ouais. Ils disaient pas comédie musicale à l'époque, et c'est vrai que maintenant on nous saoule avec toutes les comédies musicales françaises, mais moi j'ai eu la chance de faire la première. Ouais. Voilà, la première avec Claude-Michel Schönberg, qui a chanté le premier pas, avec une pléiade d'artistes. Oui, Jean Choultès, Jean-François Miquel. Voilà, les Martin Circus, Alain Chamfort, Bachung, beaucoup de monde. Et donc j'avais le premier rôle dans cet opéra rock, je m'appelais Charles Gauthier, avec des chansons magnifiques, et là ça a été une très très belle épopée, puisque ça a duré près d'un an, les enregistrements avec Jean-Claude Petit, qui est un des plus grands arrangeurs français, qui a fait les tubes de Clo-Clo, François, ouais. Et de Sardou. Donc voilà, Jean-Claude Petit, arrangeur, est vraiment un très très grand moment. D'ailleurs, beaucoup de gens me parlent encore de ma chanson Les droits de l'homme et du citoyen, de Charles Gauthier. Vous savez, il y a des époques, les gens ont connu le duo. Oui. Et après, ils ont dit « Ah, mais c'était vous ! Ah, mais c'était vous !» Et c'est constamment ça dans les concerts, et ça fait plaisir de leur dire « Ben oui, c'était moi aussi !» Oui, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que je disais en intro, hein, tout à l'heure, quand j'ai présenté, je dis « Bon, bah, bien sûr, je répète, il y a des gens qui t'ont peut-être seulement découvert avec le duo donc de Solène, hein, bien sûr. Hein. Mais je veux dire, voilà, il y a eu quand même des choses de faites avant, hein, forcément. Parle là, voilà. Et alors, on continue. Eh bien, c'est très bien. Voilà, puis je me souviens d'une chanson de Jean-François Miquel, moi, donc, dans cet opéra rock. Choix en avant. Voilà, choix en avant. Ouais, voilà, tout à fait. Merci de me rafraîchir la mémoire. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas, cette chanson m'était restée. J'avais pas le 45 tours de Jean-François Miquel de cette chanson. Que beaucoup de gens se rappellent des droits de l'homme et des citoyens parce qu'à un moment donné, il y a eu un petit livret qui a été fait avec un 45 tours et qui était distribué dans les écoles, où les enfants apprenaient les droits de l'homme. D'accord. Avec ma chanson. Mmh. C'est pour ça que beaucoup me disent mais c'était vous qui chantiez ça. Oui, oui. D'accord, Jean-Pierre. Alors, on va s'écouter une autre chanson. Avant de passer sur un autre. Ah, moi, je ne sais pas, j'écoute. Oui, alors j'ai fait ma petite playlist. Hein. Très bien. Essayé de suivre un petit peu par rapport à la bio, bien sûr, mais bon. D'accord. J'avais peut-être pas tous les titres non plus. Mmh. Alors là, on va écouter La Gitane. On va partir un petit peu. Ça, c'est beaucoup plus vieux. Oui, c'est beaucoup plus vieux. D'accord. Ça, c'est une idée que j'ai eue pendant la tournée qui s'appelait RFM 80. On en avait un peu marre de chanter, pas nos chansons, mais un peu toujours les mêmes choses. Donc, on a dit au producteur de la tournée, on lui a dit, mais on peut pas chanter un petit peu d'autres tubes 80 qui ne nous appartiennent pas. Oui, et moi, j'ai choisi la chanson de Félix Gray. De Félix Gray, tout à fait, ouais. Et d'accord. Je la chante d'ailleurs toujours sur scène. Ah, c'est bien. Ouais. Voilà, on part un petit peu dans le rythme, là, on écoute La Gitane. Merci. Se perd. J'étais comme ça devant elle, elle était tellement belle, elle était tellement pour moi que je ne sais même pas si j'ai pu trembler mes doigts quand elle était là. Prêt à oublier ma peine, prêt à me couper les veines, prêt à refaire la vie, prêt à refaire ma vie, prêt à tuer les démons qui m'empêche de la revoir. et prêt à crier son nom toute ma vie dans le noir. Matin de tour, ma tête de frappe, à coup de tambour qui éclate, un fou qui fait n'importe quoi, qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi. Ma tête tourne, ma tête frappe, à coup de tambour qui éclate, je voudrais qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant, le roi, pour qu'elle m'aime. Pour qu'elle m'aime. Prêt à casser des montagnes, à brûler la terre entière, à faire des mille ans de bagne, à vider l'eau de la mer, pour la serrer contre moi et sentir trembler ses doigts, au bout du souffle de sa voix, entendre qu'elle m'aimera. Ma tête tourne, ma tête frappe, à coup de tambour qui éclate, un fou qui fait n'importe quoi, qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi. Ma tête tourne, ma tête frappe, à coup de tambour qui éclate, je voudrais qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant, le roi, pour qu'elle m'aime. Pour qu'elle m'aime. Frappe, à coup de tambour qui éclate, un fou qui fait n'importe quoi, qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi. Ma tête tourne, ma tête frappe, à coup de tambour qui éclate, je voudrais qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant, le roi, pour qu'elle m'aime. Pour qu'elle m'aime. Voilà, la gitane, donc interprétation de Jean-Pierre Savelli, qui est sur nos ondes cet après-midi dans les années bonheur sur Radio Guémozo 107 FM, et bien sûr qu'il nous écoute sur le web. Voilà Jean-Pierre, voilà. Donc du rythme avec cette chanson, hein, la gitane. Oui. C'est... Oui, c'est bien, j'avais une très belle danseuse derrière moi, une belle gitane. D'accord. Et quand je revois les images de la tournée, franchement c'était un bon moment. C'est un bon moment, ouais, c'est sympa. Ouais. Alors, on a parlé donc de cet opéra rock. Donc ça, c'était en 73. Hein. Et donc, après l'opéra rock, qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été... Alors, il y a eu beaucoup de choses. Alors, à l'époque, on faisait beaucoup de 45 tours. On faisait 3-4 45 tours par an. Dans l'année, ouais. Voilà, 2-4 chansons. Donc, je composais, je faisais de la pub, je chantais à droite et à gauche et tout. Et c'est grâce à des rencontres que je vais être emmené à faire déjà l'Eurovision pour la France, les sélections pour l'Eurovision en 76, puis en 78. Voilà, il y a eu plein de choses qui sont passées. Je suis parti faire le festival de Tokyo avec Michel Legrand. Enfin, beaucoup de choses. Je compose aussi pour pas mal de gens. Je compose pour avec Michel Mallory, le parolier de Johnny Hallyday. De Johnny, ouais, bien sûr, voilà. Michel Mallory, ouais, tout à voilà, fait. J'ai écrit une chanson pour Johnny, j'ai écrit une chanson pour Michel Thor, je commence à donner un peu mes chansons à droite et à gauche. Oui. L'étranger aussi, ça se passe bien, je chante en 2-3 langues, dont même le japonais. Ouais, voilà, d'accord. Il y a plein de choses. Alors, le japonais, je rebondis un petit peu là-dessus, si tu veux. Oui. Parce que bon, je voudrais qu'on en parle un tout petit peu. Mmh. Mais si tu veux, Jean-Pierre, on écoute ça, s'il te plaît. Alors, non, bon, c'est pas grave. On est en direct. Je comprenais pas. Oui, oui, oui. Non, c'est un petit peu de ma faute parce que j'ai peut-être mal indiqué à mon technicien. Oui. Voilà, voilà, non, non, mais de toute façon. Il y a une version japonaise de ma chanson. Non, non, non. C'est la 5, Marc. Non, excuse-moi, c'est peut-être moi qui. Donc, on écoute ça, on revient. Ça, c'est toujours la même, alors c'est une autre version. Voilà, là ça y est, c'est parti, c'est bon. Voilà, hein, la période donc 78 à 81. Ah, voilà, alors ça c'est une période. Donc, c'est pas lorsque j'ai été au Japon que j'ai découvert les dessins animés. Non, mais ça m'a fait penser un petit peu parce que oui, il y a beaucoup sûr. De dessins animés, hein, tu vois. De... Ah ben, cette voilà. époque-là, pareil, comme Claude Michel Schoenberg qui me découvre sur scène pour la Révolution française. Là, c'est un producteur qui s'appelle Raïm Saban, ouais. Qui est un jeune Israélien qui arrive en France avec un gamin qui s'appelle Noam. Ah oui, Noam, oui, je me souviens voilà, de ça. Ouais. Et il me fait écouter Goldorak. Alors je lui dis, c'est quoi? C'est un dessin animé japonais, voilà, on va faire des musiques par des Français, et je suis producteur de ça. Il commence à me confier, donc, chanter Goldorak, la légende d'Actarus, le prince Actarus, et puis j'ai été embarqué pendant 4-5 ans oui. dans divers... dessin animé, j'ai même pas vu le temps passer entre Albator, Xor, ouais. C'était une fois l'espace, ça c'est français par contre, oui, d'accord, voilà, et j'ai vendu près de 5 millions de 45 tours qu'avec des chansons de dessin animé, ouais. qu'on appelle manga maintenant. Manga, oui, c'est vrai, tout à fait, ouais, c'est vrai, ouais. Et ça a été une période vraiment extraordinaire, bon, dommage, il n'existait pas à l'époque toutes ces foires maintenant, ces festivals manga qui à travers la France, la Belgique et la Suisse, j'en fais à peu près une quinzaine dans l'année, oui. Et là, on a un spectacle avec ma femme manga, il y a deux danseuses, il y a deux acrobates, et on a les costumes de ces personnages-là. D'accord, oui, puis donc tu continues un petit peu quand même à interpréter ces chansons-là, ah oui, donc, hein, bien sûr. Hein. Ouais, ouais. J'ai jamais arrêté. Hein. Ouais, c'est... comme je dis, je présente pas le journal de TF1, donc la télé, on m'y voit pas tout le temps, mais ouais. on parle de nous à travers les chansons, les bien spectacles. Sûr. Et moi, je fais mon chemin, j'ai plusieurs spectacles, que ce soit mon spectacle 80, le manga, mon conte musical, le Chevalier des Cristals, on fait plein de choses. D'accord, ouais. c'est bien, puis ça permet de... Comment je veux dire, de rester dans le, ah bah oui, hein, dans le système, dans le voilà, dans le. Puis c'est, ouais. c'est ce qu'on aime, c'est ce que tu aimes, hein, bien sûr, c'est la passion, fond, forcément. Hein, c'est... J'aime ça à fond, et donc je suis très bien entouré, je m'entoure bien de super musiciens, et on fait travailler beaucoup de gens là du sud de la France, puisque maintenant, quand on me demande d'aller chanter à Lille, ben c'est le contraire. Avant, de Paris, ça, je n'avais que 200 km, et maintenant j'en ai presque 1000. Ah oui, c'est. Mais c'est je viens avec mon équipe du Sud. C'est ça la différence. Ouais, d'accord. Alors, Jean-Pierre, donc on va écouter la chanson dont on a entendu tout à l'heure un petit bout. C'était... Oui, celle-là, c'est beaucoup plus tard. Ça, c'est oui, c'est plus tard, ouais. Ouh là là. Mais tu vois, j'essayais un petit peu de caler. Bon, je sais que c'est plus tard, mais bon, j'avais pas toutes tes indications, tu sais, voilà. C'est ton goût. C'est bien de faire découvrir aux gens. Ouais. Bon, voilà, je ne suis pas le chanteur que d'un titre et que je fais plein de choses. Bien sûr, et puis on parlera aussi encore, bien sûr, de tes autres, je dirais, passions. Oui. De multiples passions que tu as. Oui. Donc, on en parlera encore un peu tout à l'heure. D'accord. Alors, si tu veux, là, je veux dire, bon, on va écouter cette chanson. J'aime bien, moi, cette chanson sans rien dire. Oui. Ok. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la composer et à l'enregistrer. Ok, on écoute, on en reparle après. Merci. Que mes lèvres sur ta peau nue, ma peau sur ta propre chair et tous nos désirs confondus. Je veux que tu retiennes le feu dans nos veines. Je veux que tu reviennes, les paroles sont vaines pour que tu comprennes. De moi. viennent, les paroles sont belles, pour que tu comprennes. Sans rien dire, tout dévoiler, tout déclarer dans un soupir. Sans rien dire, tout révéler, le meilleur de moi-même, parfois même le pire. Sans rien. Sans rien dire, Jean-Pierre, on est encore toujours un peu dans le... Oui, en duo avec une jeune chanteuse qui s'appelle Aneta, que je produis, qui est russe. Et d'accord, ouais. On est en train de préparer son album, là, en français, en anglais et en russe. Et voilà, je lui ai donné la possibilité de chanter avec moi sur ce titre-là. D'accord, d'accord. Bah, c'est bien aussi, je veux dire, bah, donc on en parlera aussi, hein, de, tu fais de la production aussi, hein, oui. Bien sûr. Hein. Ouais. Ouais, donc c'est aussi pour elle... Pour elle, je veux dire, c'est comme toi, à tes débuts, je dirais. Ah oui. Elle, voilà, tu as produit, et je veux dire, voilà, pour elle, c'est pareil, c'est aussi un beau départ. Hein, c'est, bien sûr, bah, c'est bah, écoute, que... j'espère en tout cas. Ah bah écoute, moi je pense. Alors, on va venir à cette fameuse année 1984. Oui. Donc, avec la création, hein, de duo Peter et Sloan. Oui. Donc voilà, qui donc avec cette belle chanson, on en a entendu un tout petit bout, mais tout à l'heure j'avais juste mis un pour faire un petit rappel à nos auditeurs, nos auditrices, mais qui c'est qui ne connaît pas cette chanson là Ah, c'est vrai que c'est un peu incontournable, hein, c'est vrai que c'est incontournable, hein, et puis donc un gros succès, donc j'avais lu un 2 245 000 tours, hein, à l'époque. Ouais. C'était ouais. Énorme, hein, quand même, je pense, à l'époque, hein, c'est en France. En France, ouais. C'est énorme. Ouais. Hein, c'est vrai que c'était un grand succès, puis qu'on entend toujours, que tout le monde a toujours plaisir à écouter. Et puis, alors, ça me fait, rappelle un petit souvenir, puisque il y a eu les films aussi, hein, Star 80. Le premier, oui. Le premier, et puis donc on en parlera aussi, hein, tout à l'heure. Et j'ai un petit souvenir, enfin, dans le premier film où je crois que tu es dans un café, il me semble. Et ouais, puis il y a un café qui m'appartient. Ouais, et puis il y a Sloan qui arrive. Ouais. Puis je crois que ça part un petit peu en... Ah bah oui, oui. Hein, mais c'est vraiment... Oh, c'est super, c'est ça, quoi, je veux dire. Ouais, c'est le producteur, ça. Il avait lu quelques journaux quand on réglait un peu nos comptes, ouais. À droite et à gauche. Parce qu'artistiquement, on a souvent arrêté le duo, puis repris et tout, ouais, ça. Ouais, bien, voilà, sûr. Et il a trouvé ça... sympathique et tout, et c'est vrai que les gens ont retenu, voilà, ils ont rigolé surtout. Oui, c'est vrai, non, mais c'est, hein, c'est le type. Il y a qu'en Corse chez moi, ça n'a pas trop fait rire. Ah bon? Oui, parce que d'avoir pris cette gifle, et quand je leur ai dit que j'avais fait à peu près 25 fois la scène, ah ouais, donc, non, mais ils ont rigolé après, bien sûr. Oui, bien sûr, ouais, d'accord. Oui. Ouais. Alors, cette rencontre avec Sloan, ça s'est fait comment? Enfin, je veux dire, en ces années-là, enfin, cette année 84 ou avant 83, ouais. Voilà, d'accord. Nous étions dans un studio d'enregistrement qui s'appelle le Palais des Congrès à Paris. Ouais. Qui est en dessous la salle du palais, donc la salle de spectacle. D'accord. Moi, ma productrice me produisait un album Et donc j'étais en plein dans les enregistrements, et à un moment donné, elle sait que je cherche toujours des voix féminines, masculines, oui, pour mes tubes, pour les disques et tout. Et elle me dit, écoute, il y a une fille qui chante pas mal, elle, elle est là à côté, tu devrais aller la voir. Voilà, on s'est rencontrés, donc elle s'appelle Chantal. Oui. On s'est rencontrés, on a parlé, et puis ensuite, on s'est dit, ben pourquoi pas, on essaierait de faire quelque chose, pourquoi pas ensemble. Et un jour, je lui propose une chanson qui s'appelle « Slow pour Anne ». Oui. Voilà, ça, la chanson, donc c'est une maquette. Elle fait la maquette, on chante comme ça, on appelle ça en yaourt, c'est-à-dire des mots un peu anglais, oui, italien, d'accord, français. Et elle présente ça au producteur de Claude Barzotti. Ah ouais. Voilà. Et le producteur, on dit, mais c'est qui chante? Alors elle dit, c'est Jean-Pierre Savelli, bon, très bien, mais il faudrait qu'on se voit, pourquoi pas. Voilà, c'est parti de là. Et cette chanson, finalement, elle a été enregistrée, elle s'appelle « Ma vie avec toi, ta vie avec moi ». Et oui, elle est sortie comme une face A sur le 45 tours. Ah oui, d'accord, mais ok. Il fallait une face B et oui, on a écrit Besoin de rien, envie de toi avec Chantal. D'accord. Et bon, là, un jour, c'est une radio, un mec d'Europe 1 qui a dit oui, mais un duo, Peter Sloan, on ne sait pas qui c'est, démarrer avec un slow, pourquoi pas essayer l'autre côté. Et c'est souvent arrivé dans ce métier. Hein. Ah oui, c'est, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui, je me souviens. La face B est devenue une face A et après on connaît la suite. Voilà, d'accord, et c'est devenu un grand succès. Moi, je me souviens de Michel Delpech. Oui. Pas le citer, enfin pour pas le citer, Michel Delpech, donc qui avait sorti donc Pour un flirt. Oui. Et Pour un flirt était en face B. Et oui, en face A, c'était le blé en herbe, si je me rappelle sa chanson. Oui, mais ça, c'était quand même deux tubes aussi, mais Pour un flirt, c'était énorme. Mais voilà, il y a Cabrel, pour... Oui, il y a eu pas mal comme ça de oui, oui, d'artistes. Oui, hein, oui, mourir, et puis plein de cas comme ça, où on sait pas qu'on se dit qu'on n'y croit pas, mais il y avait deux titres, hein, ou quatre titres sur les 45 tours-là, là, oui, les deux, ben voilà, ça veut dire qu'au moins, les gens de radio, à l'époque, ben ils écoutaient les deux titres, quoi. Voilà, au moins, bien sûr, ouais, ouais, c'est vrai. Au moins, ils ont eu le nez. Et à cette époque-là, il y avait RMC, Radio Monte Carlo, qui marchait très fort. Ils ont passé aussi énormément le titre. Ouais. Et puis après, voilà, après c'était la folie. Mais je que le duo, enfin, je le pense vraiment très fort. Je pense que sans Canal+ et sans le Top 50, on n'aurait pas autant vendu de disques et autant parlé de nous. Ah oui, d'accord, voilà, oui. C'est vrai le top 50 a le fait top 50, que oui. Oui, les gens ne connaissaient pas ni Canal+, le 4 novembre 84, on annonce numéro 1 du top 50, Peter Sloan, franchement, ça a été une grosse surprise pour tout le monde. Hein. Oui, oui, c'est sûr, oui, c'est, ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis on savait pas qui était Peter et qui était Sloan, bien sûr, non, hein, c'est non, vrai. On découvrait. La première pochette, ils en ont fait 3000, on est de dos, parce que moi j'avais mon contrat, j'avais pas le droit de me montrer, j'avais pas le droit de mettre mon nom. Ah oui. C'était compliqué, quoi. Voilà. Ah oui, bien sûr, ouais, ouais, c'est vrai que ouais, c'était une belle... Mais ça a été... Ça a été un bon truc pour nous, en tout cas, tout ce qui s'est passé, franchement. Bien sûr, ouais. Ouais. Et puis c'était bien dans, je veux dire, dans l'air du temps encore, hein. C'est vrai, dans ces années. Ben, puis il n'y avait plus de duo, Stone et Chardin, bon, disons que bon, ils n'étaient pas trop, je sais pas, ça chantait plus trop ensemble aussi. Oui, c'est vrai, oui, oui, c'était plus bon, dans les années. C'était un couple, ils étaient mariés et femmes, hein, oui, oui, oui. Qui n'était pas notre cas. Donc voilà, on est arrivé comme ça, un duo, le brun, la blonde, on se tient par la main, on se fait un bisou. Et, ouais, c'est vrai que... Les gens, ils se sont dit, bah oui, c'est bien. Ah ouais, c'est vrai que ça rassemblait beaucoup de monde et c'est vrai ah, c'était une belle chanson. Alors vous l'avez chanté bien sûr de nombreuses fois, hein, scène, je pense. Donc on va en reparler parce que donc en fait tu as fait toi Jean-Pierre, enfin tu as fait une version acoustique. Ben disons que voilà, cette chanson-là, elle est de 84, elle a oui, été faite par pas mal de gens. Nous, on a fait une version portugaise, italienne, donc japonaise, chinoise, enfin, en pleine langue. Il y a des gens qui l'ont chanté en allemand, c'est ouais, une langue qui est un peu compliquée pour nous. Oui, c'est plus et difficile. Et puis, il y a quelques temps, là, j'ai rencontré mes amis des Gypsy Kings, où ils vivent à Arles. Ah, oui. Je leur ai proposé de faire une version gypsy qui est en train de se finir. Ouais. Et donc, j'ai une version comme ça qui va sortir. Mais par contre, moi, pour l'anniversaire de mon pote Jean-Luc Lahaye, un soir je suis arrivé, il me dit chante-moi une chanson, et j'ai pris la guitare et je l'ai fait comme ça. D'accord. Je l'ai fait guitare et voix, et c'est les gens qui ont chanté avec moi, donc j'ai eu l'idée de l'enregistrer et de la mettre sur mon album. D'accord, ok, bon voilà, c'est bien, on a le comme ça, et puis bon, on va l'écouter. Ah bah tant mieux. Ah bien. Bah bien sûr, c'est, on va la faire découvrir. C'est prévu, on va la faire découvrir, voilà. Donc on écoute donc Besoin de rien, envie de toi en version acoustique. Mmh. s'élève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve tout ce que j'aime. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Oh j'aime, oh j'aime, quand tu m'enlaces, quand tu m'embrasses. Je suis si bien, premier matin caresse, matin tendresse. Tu es si belle, le jour se lève, nous on s'aime. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. Voilà Jean-Pierre, c'est pas mal. Cool. C'est cool. Ouais, hein. Ouais. Alors moi j'écoutais la chanson puis j'essayais de faire la voix de Sloan. Non, c'est pour la petite note d'humour. Mais oui. Je veux dire, c'est bien, ça se laisse écouter. Bah, je trouve que c'est. J'ai toute chanson. On n'est pas dérouté. Non, mais toute chanson, trouve... duo, trio, groupe se chante en solo, hein. Il n'y a aucun problème. Ah ouais, non, mais je trouve que c'est sympa. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que j'ai des collègues animatrices. Oui. On en parlait tout à l'heure un petit peu avant l'émission, qui sont jeunes, mais qui connaissent cette chanson-là, tu vois. C'est... Ah non, mais là, on voit dans les concerts, oui. Ça se rajeunit de plus en plus. Là, franchement, on a des 10, 12 ans, 13 ans, ça chante. Ouais. Bon, c'est les parents qui les emmènent, hein, il n'y a pas de problème. Bien mais sûr, ils aiment, oui. Ils aiment ces chansons des années 80. Ouais. Et moi, puis, je vois... je le vois là depuis quelques mois que je suis installé dans le sud, on a monté un spectacle avec ma femme et tout, 80, où moi je revisite avec mon équipe, on est 8 sur scène, je revisite, si tu veux, les chansons du film Star 80. Oui, d'accord. Donc je rentre avec Besoin de rien et j'attaque La Haye, voilà, oui, bien tout sûr. Le monde. Hein, Born to be Alive, tout y passe. Tout bon, y passe. Les deux chanteuses, voilà, les danseuses, DJ et tout ça. Et vraiment, c'est la fiesta. Quoi. Ah oui, ça doit être formidable, je pense, parce que, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est intemporel, quoi, je veux dire. Ah là, oui, c'est formidable. Puis bon, même les jeunes voilà, jeunes filles ou voilà, ont entendu ça chez les parents, etc. C'est voilà, puis ça, ça c'est suit, hein, plusieurs, ouais, plusieurs générations, c'est de la bonne humeur, bien sûr. Voilà, Jean-Pierre, alors on va passer un petit peu peut-être à quelque chose de tes passions. Oui. On va parler un petit peu de alors je vois sur la bio fou de ballon rond. Donc, alors, j'ai été fou de ballon rond, mais tu sais, surtout pendant ma période parisienne. D'accord. Oui, parce que bon, ouais. Je suis né quand même à Toulon, près d'un stade mythique qui s'appelle Stade Mayol, où il y a le Rugby Club Toulonnais. Ah oui, d'accord. Et moi, oui. Gamin, mon père m'emmenait toujours au rugby. Donc j'ai un peu, je ne les ai pas laissés tomber, mais je les regardais un peu moins pendant ma grosse période. Donc j'ai été très foot. Oui. J'ai même monté une équipe de football de chanteurs, de comédiens, ouais, de journalistes, ça, ouais. Le Samba Football Club. Ouais. On a fait pas mal de matchs, ce qu'on appelait des matchs gala, puisqu'on jouait au football l'après-midi, et après le soir on chantait. D'accord. Ouais, c'était très sympa. Ah ben c'est sûr, oui. Voilà. Et puis là, depuis vraiment que je suis revenu là dans le sud, franchement, je regarde le foot, il n'y a pas de problème. Mais je suis plus, bien sûr, j'étais ravi quand l'équipe de France a gagné. Il n'y a aucun problème et tout. On est derrière l'équipe de France. Mais je suis beaucoup plus rugby. Plus rugby, oui, bien sûr. C'est vrai que c'est plus hein, oui, dans le sud de la France. Hein, c'est vrai que. Ah, ben il n'y a pas que le sud. Hein, je vois que l'équipe du nord de la France, il y a de toi. Toute la France joue. Ouais. Toute la France joue. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis c'est autre chose le rugby. Enfin, puis c'est voilà, je trouve ça plus convivial. Moi, oui, c'est plus convivial parce que bon, alors quand on commence à taper dans des grosses équipes de foot, je parle. Hein, oui. Voilà, des grandes équipes avec des joueurs qui touchent voilà, bon, enfin, des salaires faramineux. Bon, mais enfin. Après, non, je veux dire, c'est plus la même mentalité le rugby. Oui, c'est peut-être plus. Des salaires faramineux. Moi, ce que je dis toujours, leur agent demande, propose, et les présidents leur donnent. Donc, qui a incriminé ? Pas les joueurs. Oui, non, oui, c'est sûr. Moi, j'ai fréquenté Matuidi, c'est un mec adorable, sympa, il changera jamais, et il gagne des millions d'euros. Mais ouais, c'est ouais. Pas grave. C'est, moi, ça me gêne pas du tout. Oui, métier après aussi, tout. On peut gagner très vite beaucoup d'argent, on peut en perdre aussi. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que je réinvestis parce que j'ai un studio d'enregistrement, je continue à enregistrer mes albums, je produis des gens. Mais voilà, puis il y a des gens qui pensent qu'à eux, qui chantent dans leur coin, et ils s'occupent de personne. De personne, bon, ouais. S'ils sont heureux comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Alors, pour continuer dans le foot, hein, rapidement, je pense qu'il y a aussi tu crées une équipe de foot, les Foot Girls. Alors là, ça touche le football féminin. Je me trompe pas. Ah non. C'est pas une équipe, c'est un groupe. Ah, c'est un groupe. Oui, le groupe les Foot Girls. J'ai créé ça pour la Coupe du Monde 98. Voilà, d'accord. Parce que je trouvais que, c'est vrai, les garçons étaient très très devant, derrière leur équipe, mais les femmes, il n'y en avait pas beaucoup. Et en 98, ça a commencé. Je ne sais pas si tu te rappelles. Si, en 98, ça a été une folie. Et moi, j'ai créé le premier hymne des supportrices de l'équipe de France. D'accord, ok. J'ai pris quatre superbes chanteuses, danseuses, et on les a mis en bleu, blanc, rouge, et à l'époque, on a fait des télés avec David Ginola, avec plein de gens, et c'était génial, quoi. C'est vrai que c'était en 98, bon, bah, c'était la première Coupe du Monde, hein, c'était oui, mais Jacquet était ravi de voir les Bien sûr. Je me doute, c'était la folie, et puis c'est là que les femmes sont beaucoup plus venues dans les stades aussi. Oui. Hein, c'est vrai que c'était là, il y a eu vraiment un engouement pour eux. Et moi, je voulais juste faire une petite parenthèse comme ça, mais je veux dire, c'est pareil, le football féminin est maintenant est beaucoup plus, au devant de la scène, on le voit, médiatisé, plus médiatisé, ouais. Ouais. Et je trouve que regarder un match de foot féminin, c'est bien. Oui, il y a quelques années, peut-être, mais là, on commence aussi, comme les garçons, à faire venir les meilleures joueuses du monde à Lyon, à Paris Saint-Germain. Oui, à Lyon, au Paris Saint-Germain, Et donc, avec l'argent, bien sûr, on fait venir les meilleures joueuses. Oui. C'est de très bon niveau. Mais bon, c'est pas encore la foule dans les stades. Non. Non, mais je veux dire, c'est, bon, c'est encore sympa de regarder un match de foot féminin parce qu'elle joue bien, et puis il y a moins de y a un petit peu moins de discussion qu'avec les mecs, avec les garçons. Oui, je pense. Hein, c'est vrai que pour le moment, il y a un peu plus de respect de l'arbitrage. Voilà, je pense aussi. Hein, c'est vrai que voilà. Donc. C'est vrai. Voilà. Donc c'était un peu pour parler, hein, Jean-Pierre, donc de cette peut-être de cette passion aussi de ces. Bien sûr. Hein. Le sport en général, hein, le golf. J'aime bien le golf. Maintenant, je joue un peu au golf depuis quelques années avec mes copains. Voilà, mais j'ai toujours été dans le milieu sportif. Ouais, ça fait du bien. Ah oui. Ça fait du bien. Alors, si tu veux, on va venir maintenant un petit peu parler de, je dirais, de la parenthèse jazz. Oui. Hein, donc ça, je pense que c'était une aussi au niveau musicalement pour toi, c'était aussi une donc je veux dire une envie et puis quelque chose que tu aimes bien. Je veux dire, disons qu'avec Michel Legrand, honnêtement, j'étais un peu frustré de pas trop. Alors que c'est un musicien de jazz fantastique, il a écrit des arrangements jazz extraordinaires, mais moi, il me confiait beaucoup de chansons d'amour, voilà, Peau d'âne, la chanson du prince, Les uns les autres. C'était toujours des magnifiques chansons d'amour, des slow, des ballades. Oui, on jouait avec Nicole Croisi aussi dans Les uns les autres, mais le côté jazz, j'avais pas trop droit. Et là, c'est vrai que dans les années 90, j'ai eu envie de me faire un album, donc j'ai patienté, je me suis fait des titres, et finalement cet album, il est sorti il n'y a même pas 4-5 ans, ça s'appelle Entre Jazzy et Ballade. Oui, c'est ça, ouais, voilà, d'accord. Voilà, où j'ai mis d'ailleurs 14 chansons nouvelles, juste, besoin de rien, la version acoustique que tu as fait écouter tout à l'heure. Oui. Et le reste, je fais découvrir aux gens, ou redécouvrir, un peu mon parcours musical, c'est-à-dire depuis Peau d'âne jusqu'au duo. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc on va écouter une première chanson, de tes chansons de cet album, je pense. Hein, d'accord. C'était un album de 2011. Hein, Voilà. C'était le début de la tournée, on venait de quitter RFM 80, on faisait un jeton de tête de bois. D'accord, ouais. Et dans les chambres, Jean-Pierre Madère, il venait jouer de la basse, Cookie Lingler un peu du piano, oui, d'accord. Thierry Pastor pareil, on faisait des chœurs. Voilà, mon album est né comme ça. D'accord, ok. Donc on va écouter cette chanson, je me trompe pas, oui, c'est Vas-y, joue. Ah oui, là on est en plein dans le jazzy. Voilà, ouais, tout à fait, ouais. D'accord. A tout de suite. Ouais. Qu'est-ce que c'est la vie, un claquement de doigts, rien qu'une parenthèse entre toi et moi. Ne perds pas de temps et donne-moi le tempo d'un petit air qui fait frissonner ma peau. Doucement les basses caresses et ronronnent, comme sur des rails les drums roller cassés résonnent. Vas-y piano, piano, touche par touche étonne, verse tes longs sanglots saxophone. Trompette, donne-moi des New Orleans. Oh oui, fais briller tes cuivres et pose tout ton beans. Fais que la nuit soit longue, je vais te réjouir. Voilà, oui, joue-moi Armstrong et touche le génie. Soft ou bien strong, style garanti. Oh, je l'écoute pas loué, ce n'est pas vrai, c'est bel et bien ton cap caloué. Lui, dès que ça vous gagne, c'est Sarah Vaughan. Si la folie guette, la faute à Stan Getz. Parfois c'est pas domino qui domine de haut, la mifa domino. J'ai le vice des vices, juste un que j'arrête, puis ok j'arrête. Musicien aux abois, quand le feeling passe. Oh oui, sur les sillons du cœur, ça laisse des traces. Solo d'apothéose, prends-toi pour Dizzy. Oui Dizzy, vas-y, on t'aime virtuose, alors dis vas-y. Enfin tu oses l'impro jazzy. Hey. des jours. Voilà, 17h02 à l'antenne, vous êtes sur Radio Guémozo, donc avec mon invité de ce jour, Jean-Pierre Savedi. Voilà Jean-Pierre, on vient d'écouter Vas-y joue, ça ouais. Swing bien. Hein. Ah, t'as vu le pianiste, j'arrivais plus à l'arrêter. Hein. Ah oui, oui, non. Ah non, ah, mais c'est vrai, comme ça, joue ça bouge. Des bons musiciens et non pas que des machines. Oui, c'est bien fabuleux, sûr. Quoi. Ah, c'est fabuleux. Parce que donc, tu nous en parlais tout à l'heure, hein, tu as donc un studio chez toi, hein, c'est ça voilà. Oui, oui, j'ai alors, toujours eu, hein, depuis une quinzaine d'années, bien sûr, ouais, hein. Parce que je fais de la pub, je mm-hmm. compose pour les gens, et j'en avais marre d'aller à droite et à gauche. Oui, bien sûr, bien donc, sûr. Donc voilà, là pareil, j'ai monté mon studio dès que je suis arrivé à Toulon, la première chose que j'ai fini dans les pièces, c'est mon studio. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut parler aussi de la société Minuit 10 Productions? Bien sûr. Hein, voilà, bien sûr. Donc si tu veux nous en dire quelques mots, avant qu'on revienne ben, écoute, un petit peu sur les ouais. années 80 avec par rapport au film. Voilà, disons que ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, j'ai eu ce besoin de créer ma société, parce que j'avais l'impression qu'on était moins crédible en arrivant dans les maisons de disques avec des prods, et qu'on n'est pas de société, quoi, pour les signer les contrats, tout ça. Donc je voulais pas faire appel à des sociétés de copains ou d'amis à moi, oui. Et donc carrément, j'ai pris voilà, le truc. Et on a trouvé le nom un soir comme ça. Franchement, je trouvais plein de noms différents. Et c'est mon petit copain Noam avec qui je travaillais qui me dit bah, écoute, on va pas y passer la nuit, hein, à trouver des noms. Oui. Et ben la nuit, ben, quelle heure il est? Ben, il est minuit 10. Minuit 10. Ben, c'est bien, voilà, on a trouvé. Voilà, c'était fait. C'est aussi simple que ça. Voilà, des fois des choses qui se font comme ça. Oui. Tout simplement, des fois on va chercher midi à 14h et puis, ouais, puis ben, voilà, là, on trouve le. Voilà. Non, voilà. D'accord, ouais. Donc voilà, cette société produit des spectacles, oui. Nos spectacles avant tout, des spectacles clés en main. On nous demande, par exemple, voilà, pour la fête de la musique, on fait pratiquement 4-5 oui, concerts différents pour les fêtes de la musique à travers la France. On a des danseuses, on a d'autres chanteurs, on a des orchestres, voilà. Par contre, il y a des choses qu'on ne sait pas faire du tout, les trucs de cirque, c'est pas nous. Oui, ça voilà. va. on se cantonne vraiment à la musique à fond. D'accord. Des danseuses, voilà, ça c'est ce qu'on fait le mieux. Et oui. Sinon, la Minuit 10 produit donc des chanteurs, des chanteuses, dont voilà. Oui, tu en avais parlé tout à l'heure, hein, oui, un oui. petit voilà, de cette jeune chanteuse. Voilà, dont j'ai oublié le nom, je m'excuse. Anetta, d'accord. Anetta, qui est donc de Saint-Pétersbourg, qui va sortir son album à la fin de l'année. Oui. Et là, actuellement, je produis une jeune chanteuse d'origine espagnole, mais qui vit dans le sud de la France, qui s'appelle Sabelita. Oui. Et qui nous a fait que des choses là, très latino, des cumbias, salsa, merengue, voilà, bachata, tout ce qui d'accord. marche très fort. Oui, tout ce qui marche bien, c'est vrai. On t'enverra le CD très rapidement. Ah ben, je veux bien, avec plaisir, oui, oui, voilà. c'est tout ce qui bouge bien. Hein. Oui, non, mais là, ça sera très très bien, bien sûr. Ça bouge bien. Je produis un jeune garçon qui s'occupe aussi de mes arrangements, qui s'appelle Olivier Beretta. On sort des singles, on se dit pas, oh ben ça marche plus, il n'y a pas de télé, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Non, ouais, ben, vous continuez à travailler. On se fait plaisir. Voilà, on se fait plaisir, ben, c'est le principal, c'est vrai, hein, c'est avant tout à fait. Ouais. Moi, j'avais une petite question, mon petit côté humoriste. Oui. J'aime bien dans les années les danseuses, elles sont jolies. Ah mais toutes nos danseuses, c'est... alors oui, je me doute. C'est pas moi qui m'en occupe, mais oui. c'est ma femme. D'accord. Elle... Ouais, bon. Alors c'est une danseuse chorégraphe, mais elle ne prend que des jolies filles autour d'elle. D'accord. Oui. Oh là. Contrairement à d'autres qui diraient, ben bon, non, je vais prendre des moches comme ça, je me mets en avant. Alors elle n'est pas du tout comme ça. C'est et là, bien, on a vraiment eu, on a 8 filles qui travaillent avec nous, qui sont des pros, et vraiment qui font d'ailleurs tous nos spectacles, hein, différents, que ce soit 80, le cheval des cristals, le conte musical, oui, oui. Tout. Elles sont, elles sont sur tous les spectacles, tous nos, les, tout à fait. D'accord. C'est Ah ok ouais, ouais. Ça fait voilà. Une belle, ça fait une belle, ça fait une belle équipe tout ça. Ah ben ça y est, en quelques mois on s'est monté une très très belle équipe, effectivement. Ah ouais, ouais. Mmh. Bah écoute, tu me diras quand tu seras dans le secteur. Ben oui. Ah bah, non mais bah, ça, je dis pas seulement ça pour les filles, hein, forcément. Non mais c'est vrai qu'on vient, un peu de partout. Là, on était à Pontarlier, on est. Ouais. On était à Lille il n'y a pas longtemps, on a fait Dunkerque et tout ça, on fait quand même, on fait pas que le sud. Hein. Oui, oui, bien sûr, oui, je me doute bien. Hein, je me doute bien, ouais. Alors. On va revenir, si tu veux bien, Jean-Pierre, donc au film. Oui. Donc Star 80. Oui. Hein, donc Star 80, puis Star 80 à la suite. Oui. Donc voilà, hein, où tu fais tes premiers pas, donc de d'interprète. Oui, oui. Hein, ouais. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir le Star 80, le 80 à la suite. Ben, si, je l'ai vu aussi, j'ai vu les deux. Oui. Je veux dire, voilà, donc sorti respectivement donc 2012 et 2017, hein, je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est bien ans ça, après. Voilà, ouais, ouais, 5 ans après. Hein, mm. C'est... Mais je veux dire, c'est pareil, tu sais, je veux dire, quand on va voir un spectacle d'un chanteur, d'un artiste, quand on est sur les chansons des années 80, tout ça, je veux dire, on est, c'est du bonheur. Quand on va voir ce film-là, enfin, il y a de l'émotion aussi, hein, si je me souviens. Il y a un petit peu d'émotion dans, quand même. Ouais, dans le premier, c'est dans le premier. C'était le début. Ouais. Les gens ne savaient pas, quoi. Ouais, c'est pour ça que ça a accroché les gens. C'est parce qu'on a fait une excellente promotion. On a fait des avant-premières. Ouais. Comme certains films ne feront jamais. Thomas Langman était au petit soin pour nous. Franchement, ça a été un super producteur pour nous. Oui. Donc voilà, sur le premier, il y a vraiment rien à dire. Le second, je dois te dire que bon, pas mal, nous avons été assez déçus, pas de ne pas nous voir beaucoup dans le second film, mais c'est parce que il y a eu un premier montage où on avait nos scènes, chacun peut respectiver tout ça, bon, on peut pas mettre tout le monde en avant, oui. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du montage, ils ont privilégié quand même plus les acteurs, le côté, bon, Jean-Marc Généreux, Anconina, et tout ah ça. Oui, c'est vrai, mais oui. Je pense pas que les fans, ils vont voir un film 80 pour eux. Oui, non, ben non. Voilà, ils allaient voir aussi sûr. Les chanteurs des années 80 qu'ils aimaient bien et qu'ils supportent depuis plus de 15 ans. Bien sûr, oui. Ouais, ben là, ils ont été déçus. Oui, moi je trouvais que, c'est vrai, je rejoins ce que tu dis, je trouvais que le premier film était plus abouti, je veux dire, on était vraiment là sur le retour des de vous, des artistes, quoi, je veux dire. Ouais. Et, ben c'est l'histoire. Et quand on sort de la salle, quand on a vu ce film, je veux dire, voilà, c'est un bon moment qu'on a passé. Ah mais c'est le contraire d'un film normal. Oui, non, mais c'est vrai que... T'es dans la salle, on te fait chut si tu parles. Alors que là, tout le monde était debout, chantait. Ah oui, oui. Ils avaient des chapeaux, ils avaient des perruques. C'était génial, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'était vraiment génial. Et puis là, d'un coup, le second, voilà, on n'est plus là, quoi. Ouais, oui, bien sûr. C'est... Mais c'est un petit peu... Enfin, pas souvent, mais je veux dire... bon, il y a toujours des fois un bon film, un premier film. Après, on fait un opus. Enfin, un deuxième... Ouais. Enfin, pas un opus, mais un deuxième film, mais... Et ça arrive quelquefois qu'il est souvent, il est moins bon, mais c'est enfin, vrai que malheureusement, voilà. Donc on était déçus, mais on pouvait rien faire. C'est pas nous. Bah oui, bien sûr. Ouais. Voilà, mais vous étiez, enfin, je veux dire, bon, enfin, si on va parler du film, enfin, le premier, vous étiez avec une bande, enfin, tu retrouvais une bande de copains, quoi. Je veux dire, c'est... Oui, moi, c'est jamais vraiment quitté. Hein, parce oui, que oui, je me doute bien. Depuis 2006. Qu'on était dans des tournées, qu'on n'arrêtait pas ensemble. Donc voilà, c'était le film, c'était la continuité. Oui, quand, bien sûr. Quand Thomas Langman est venu nous voir à Marseille en 2011 et qu'il nous a dit 2010, il nous a dit je vais faire un film avec vous. Personne n'y croyait, mais personne. Oui, oui, bien sûr. Ouais. On s'est dit mais qu'est-ce qu'il veut faire de nous? Ouais. Et finalement. Voilà, ça se passe bien, il fait un premier film et tout. Bon, 3 ans après, il revient, il dit on va en faire un second. Ah ben, c'est qu'il avait des idées. Mais oui. Je crois qu'il y a eu un peu des problèmes voilà, au niveau du montage et ils n'ont pas trop su gérer le montage du second. D'accord. Dommage. Ouais, ouais, okay. Voilà, malheureusement. Mais ça s'est ressenti, hein, c'est vrai que. Oui, on le regrette tous, mais c'est comme oui, ça. Oui, bien sûr. Alors, Jean-Pierre, si tu veux bien, bon, on va quand même écouter cette chanson que tu as. Que tu as écrit, tu es compositeur, hein, je rappelle, tu es compositeur. Souvent, le plus souvent je suis compositeur. T'es compositeur. J'ai été auteur pour besoin de rien, envie de toi, ouais. Pour quelques titres dans les années 70, mais franchement, j'ai plus le côté compositeur et arrangeur que parolier. Mmh. Ouais. Alors, on écoute ce titre, les années 80. En rouge et noir, femme libérée. Born to be alive, et de toi seul être l'esclave. J'ai besoin de rien, envie de toi comme dans les années 80. On va s'aimer en écoutant toutes ces musiques. Et sous les sunlights et les tropiques, on connaît les refrains qui ont fait les nuits folles des années 80. I will survive, qu'on se lasse pas de longtemps. Chaque année renaît de ses cendres. Des mondes de minuit, chacun fait ce qui jouait la nuit. Pour ces voyages, et pour aimer, il n'y a pas d'âge. J'ai besoin de rien, envie de toi comme dans les années 80. On va s'aimer en écoutant toutes ces musiques. Et sous les sunlights, c'est les tropiques. La soupe de longtemps, chaque année renaît de ses cendres. C'est le même refrain, 80. La même chanson, c'est bien les années 80. On peut dire ce qu'on veut, oui, mais toutes ces musiques, malgré elles, sont devenues magiques. Oh. Années 80, voilà qui résume bien, cette chanson résume bien un petit peu hein, de tout, bien sûr, bah, tous les artistes, les chanteurs. Oui. Voilà, donc ça c'est bien aussi. J'ai écrit ouais. Cette chanson pendant que l'on tournait le premier film, un peu à la demande de Thomas Langman et de des personnes qui étaient autour de lui, parce qu'il souhaitait avoir aussi des chansons un peu originales, puis finalement après l'idée n'a pas été suivie. Donc moi j'avais ce titre avec ma parolière qui avait fait donc Patricia Lenoir qui fait tous mes textes depuis plus de 20 ans et finalement on s'est retrouvé, j'ai dit ben je vais me sortir mon single. Le single, voilà ouais, et ouais. Puis l'appeler comment? Ah ben simple, les années 80. Ben voilà tout ça. Voilà. Alors voilà Jean-Pierre, alors moi je voulais, on peut faire de la promo aussi hein, pour les CD, je voulais dire les gens, enfin nous auditeurs, auditrices, voilà, qui sont à l'écoute, je veux dire, comment on peut se procurer tes CD Alors, ceux qui n'ont pas, qui ne peuvent pas venir dans les concerts, ouais. La France, eh bien, il y a un site, je pense que le mieux c'est que je t'envoie l'adresse du site, comme ça tu pourras le mettre sur tes pages Facebook ou sur le site de la radio, ça sera le mieux. Ouais. C'est là-dessus, ils achètent albums, DVD de spectacles, CD, les anciennes, les nouvelles chansons, voilà, ils sont au courant de tout là-dessus sur ce site. D'accord. Voilà. Voilà, alors il est 17h16, ça passe vite, hein. On a essayé de remonter un petit peu, hein, voilà, toutes les chronologiquement, tous les comment je veux dire, les, voilà, ce que, ton parcours artistique, la carrière, Jean-Pierre, hein, la carrière, ouais. Voilà. Ouais. Et puis bon, bah, il faut quand même qu'on parle du dernier single, hein, je dis pas de bêtises, qui s'intitule L'hiver en juillet. Oui, que j'ai écrit d'ailleurs ici. Voilà. Ah oui. Ah oui. Et d'accord. Je suis arrivé donc l'année dernière ici, dans le sud, et puis, je sais pas pourquoi, ma parolière, je lui raconte une histoire, et puis elle me dit, bon voilà, on va un peu rigoler, on va appeler ça l'hiver en juillet. J'ai dit, voilà, je vais faire foutre de moi, là, l'hiver en juillet, mais ici, il fait toujours beau, quoi. Et bon, oui. Enfin, ben, ça ira pour les autres villes. Et on est parti tourner le clip en Italie, à Sienne. Parce que je parle de Sienne, une histoire d'amour qui se termine mal en Italie, voilà, à Sienne. Oui, ça, oui. Et malheureusement, ben, au bout d'une heure de tournage, on s'est fait arrêter par les carabinieri, la gendarmerie italienne, et qui nous a dit, vous n'avez pas de papier pour tourner ici, il y a des monuments, il faut, voilà, c'est comme ça. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Il faut avoir... du coup, on est reparti, bon, on a visité Sienne, hein, oui, oui. Et on est reparti, et on a tourné dans un tout petit village à côté de Toulon, qui est vraiment médiéval, il s'appelle Olioul, et vraiment à 8 km de Toulon, et pendant 2 jours on a tourné, et le clip est sur YouTube, hein, tapez l'hiver en juillet, Jean-Pierre Savelli, oui. Et il y a le clip, vous verrez. D'accord, alors on va écouter bien sûr cette chanson. Alors moi je trouve, j'aime bien la partie, enfin j'aime bien cette chanson, bien sûr, puis j'aime bien aussi quand il y a une partie parlée. Ah oui, hein, alors des passages où... Oui, il faut te dire que cette idée un peu m'est venue parce que dans le premier film en 2011, on a fait, Thomas Langman a eu l'idée de nous faire chanter sur une plage à Biscarros la chanson de Joe Dassin. Ah, et alors. Tout le monde lui a dit, mais... Et il a dit, Thomas, mais ça c'est pas une chanson des années 80, hein, c'est des années 70. Ouais, c'est 70, oui. Voilà. Et moi 75. Je suis parti là avec cette chanson qui est italienne, c'est Toto Cutugno. Oui, Toto Cutugno, voilà, bien sûr. Hein. Et les gens ne le savent pas, mais bon, beaucoup, à part toi, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Et donc je suis parti là-dessus, cette partie parlée. Ah oui. Après, moi je voulais une comédienne connue, avec une voix très connue. Et quand j'ai vu les tarifs qu'on me demandait, les agents, c'est un peu comme dans le foot. Oui. Un soir, j'étais dans mon studio. Et ma femme arrivait d'un cours de Zumba, elle avait la voix complètement cassée. Ouais. Et j'ai dit, Sandrine, viens, ma chérie, viens poser ta voix. Et c'est sa voix qu'on entend. Elle n'est pas chanteuse du tout. Et elle a chanté avec sa voix un peu éraillée. D'accord. Voilà. C'est la voix de ton épouse, Sandrine. Ma femme Sandrine. D'accord, ouais. Ouais. Non, je trouve que c'est bien quand... Bon, on ne peut pas faire toutes les chansons comme ça, mais quand il y a une chanson comme ça dans un album, enfin bon, voilà. Ah ben, Slow, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup, ah oui, bah, tout à fait. Je ne sais pas comment les gens, c'est vrai que c'est autre chose, mais non, moi je demande à ma fille qui a 15 ans, franchement, dans leur fête, il n'y a pas de Slow. Hein. Ah, il n'y a pas de Slow, c'est fini. Non, ouais. Non, la boum, ça n'existe plus. Hein. C'est dommage quand même, c'était quand même bien les Slow. Ah, c'est pour ça que moi je suis un chanteur assez romantique, bah voilà, ouais. Ça m'a toujours plu, et donc je me suis dit, je vais me faire un slow, j'aurais dû faire un slow pour l'hiver, et non pas l'hiver en juillet, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que ça manque, je veux dire, bon, je refais aussi une petite aparté, on revient là dans les années 70, il y avait énormément de chanteurs à Minette, hein, comme on disait à l'époque, Maï Brandt, Claude François, enfin, il y en a plein. Plein. Et je veux dire, à l'époque, ben, nous, dans les booms, tout ça, quand on commençait, on était ados, dans ces années-là, c'était formidable pour aller flirter et tout ça. Bien sûr, mais là... Ah, mais c'est vrai que maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, hein, parce que... Les DJ, ils se font huer, ou alors c'est des trucs dans des bleds, paumés, et encore, voilà, ils passent que des... Ils passent plus de slow, c'est fini. Oui, c'est vrai qu'ils passent plus de slow. Ça, et ça fait du bien quand même de réentendre de temps en temps quand même des chansons comme ça. Ouais. Voilà. Ah, c'est un peu pour ça, moi, que j'ai intitulé toi mon émission Les années bonheur. Et oui. Ah, ça fait 5 ans que je fais ça, et je trouve voilà les années bonheur. Voilà, ça rassemble un petit peu tout ça, la musique et tout ça. Tu vois, c'est voilà. Après bon, hein, après chacun ses goûts, hein, tout ça. Oui, bon, c'est oui, bon. Non, hein. Mais bien sûr, il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Alors Jean-Pierre, je te propose qu'on écoute donc l'hiver. En juillet. Alors, écoute, on va dire aux personnes qui nous écoutent qu'ils peuvent s'arrêter et danser. Ah bah oui, d'accord. Ouais. Moi j'ai mes collègues, je sais pas si elles sont encore là, mais je vais peut-être faire le slow avec. Ah ben, ça serait une bonne idée. Ok, on s'écoute. Allez. Merci. Mm-hmm. marché longtemps dans les rues de Sienne, le cœur à la dérive, les yeux dans le néant, avec ton prénom qui tournait en boucle dans ma tête. Tu ne reviendras pas dans cette ville que j'aimais, où pour la première fois mes yeux sur toi un jour se sont posés. Tu ne reviendras pas, j'ai le cœur brisé par toutes ces vagues de froid autour de moi. C'est l'hiver en juillet. À chaque fois que je t'oublie, tu te rappelles à ma vie. Tu gardes tienne à tout jamais une partie de moi. Fermé la maison, un dernier regard derrière moi, il ne reste rien à part mes regrets. Tu ne reviendras pas, ni demain ni jamais. Cette certitude-là ne me laisse pas une chance d'espérer. À chaque fois que je t'oublie, rappelle à ma vie, tu gardes tienne à tout jamais une partie de moi. À chaque fois que tu souris, l'été revient en Italie et Sienne garde à tout jamais une partie de toi. C'est les derniers jours de cet amour que l'on se promettait éternel et grand. Tu ne reviendras pas. Hiver en juillet, une belle chanson Jean-Pierre. Ben, franchement, on peut emballer hein, là-dessus. Ah écoute oui, bon. Ah moi j'adore, j'adore. Et ça, c'est la version chanson courte. Oui c'est la version courte, j'ai vu qu'il y avait là. Oui, quand tu verras recevoir le CD, ouais. Il y a la version longue, alors là on a encore plus de temps. Il y a la version longue, ouais, ouais. Non mais ça c'est formidable, moi j'adore ça, moi c'est vrai que... Ouais. Ah ouais, donc ça c'était... C'est marrant, il y a beaucoup d'orchestres oui. Qui font du bal, quoi. Oui. Parce que bon, ils jouent aussi rarement les chansons qui ne sont pas des tubes, et il y a déjà une quarantaine de, à travers la France d'orchestres qui m'ont demandé ah oui. Donc, la partition de ça pour pouvoir l'interpréter, ah oui. Parce que justement ils disent, bah oui, mais voilà, là c'est un très beau slow, ça rappelle les années 70-80. Bien sûr. Et puis bon, ben, ta voix posée, la voix de ton épouse. Hein, ouais, non, mais c'est vrai que c'est vrai bossé... que c'est... Ouais. Là, t'as envie de danser, c'est vrai que ah, écoute, ça, c'est... Dès c'est, que c'est... ça démarre, la batterie, on a envie, ouais, c'est un slow, on sait que c'est un slow. Ouais, oui, tout à fait. On se trompe pas. C'est vrai, c'est vrai. Et ben voilà, Jean-Pierre, écoute, l'émission se termine tout doucement. Eh ben, merci beaucoup. Ah, il est 17h26 à nos pendules. Alors moi, je voulais encore te remercier pour ta gentillesse, pour ta sympathie sur nos ondes et d'avoir accepté donc notre invitation. Ben, merci à toi. Cette radio. On reste en contact. Bien sûr, on reste en contact et puis pourquoi pas une prochaine fois pour des nouveaux projets, un nouvel album. On se retrouve et puis voilà. Si tu as dans ton émission un petit moment découverte et tout, que tu puisses avoir mes 2-3 chanteurs dont je m'occupe, ça serait sympa. Hein, je vais t'envoyer les productions et puis tu verras. D'accord, hein. Ok, ouais. Voilà. Moi j'avais une petite chose à te demander, on parlera si tu veux hors antenne. Voilà. D'accord. Donc encore un grand merci. À bientôt à toute l'équipe. À bientôt Jean-Pierre, merci. Puis tu passes le bonjour à ton épouse, bien sûr. Voilà. Et puis voilà, c'est. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. À bientôt. Au revoir. Alors voilà, amis auditeurs, auditrices, l'émission se termine tout doucement. Donc je voulais rappeler notre journée porte ouverte du 6 octobre prochain, du samedi 6 octobre prochain, à 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne. Alors si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à appeler au 03 29 62 40 40. Voilà. Je rappelle aussi à 18h, je me trompe pas, l'émission de Lou, l'heure des loups, voilà. Et puis je vous dis bonsoir, merci Marc pour la technique. À ton service. Bonsoir à tous, portez-vous bien, bye bye. La pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail. Tu n'as pas le moral. Tu es tes fourmis. Deviens cigale. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la pour les jours sans amour, les départs sans retour, pour tous les silences qui nous tournent autour. J'ai la bonne solution, simplement remplaçons notre envie de rien par une chanson.